Bon samedi matin, et oui, même le samedi, le Morning Bisoy est là pour toi. On prend le temps de voyager ensemble aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine. Trois titres qui mélangent rock, folk et rythme du monde. Installe-toi, on part en balade musicale pour bien commencer le week-end. Et en plus, tu as remarqué, le morning commence plus tard aujourd'hui et commencera encore plus tard demain, histoire de te faire profiter de tes draps quand même. Allez, on décolle sud-américain. Manu Chao vous dit « Me gustas tu » à travers un mélange de français et d'espagnol idéal pour commencer le voyage. Et on en parlera juste après, mais pour la petite info culturelle, « Me gustas tu » c'est une phrase en espagnol qui n'est pas correcte, mais peut-être qu'on en dira plus tout à l'heure. « Que corazón, mi corazón, te lo dije bien clarito. » Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus que voy a hacer, je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Tu l'as entendu, ce tube est chanté principalement en espagnol avec quelques mots en français comme Colombie, Cuba, Honduras, J'aime le Run ou J'aime le Rond. C'est l'un des plus grands succès mondiaux. Et en effet, hein, me gustas tu, c'est une phrase qui n'est pas correcte en espagnol. D'ailleurs, pour la petite minute curiosité du jour, me gustas tu de Manu Chao, que tu viens d'écouter justement, est chanté sur le même fond musical que deux autres titres du même album, à savoir La Primavera et Infinita Tristeza. Écoute bien, les trois s'enchaînent sur le disque pour créer une mini odyssée musicale. Next stop, prochain arrêt, aux USA, les Lumineers vous offrent Oh Hey, un folk country entraînant avec un refrain Oh Hey fédérateur. Et je te passe ça tout de suite sur Bisoy, ta web radio préférée. Bon réveil avec nous. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I. Ce morceau des Lumineers est sorti en 2012 et est caractérisé par des percussions simples, clap, tambourin et des interjections « oh » et ce premier single des Lumineers a explosé sur les radios folk rock américaines. C'est un genre de one hit wonder, qu'on prend ici un genre de succès sans lendemain, qui a propulsé leur album au top des ventes. Et maintenant, place aux bons plans locaux. Et aujourd'hui encore, hein, en ce samedi 18 avril, on retrouve le Festival du Livre de Paris, au Grand Palais de Paris, dans le 8e arrondissement. Mais alors, qu'est-ce que ce festival ? Eh bien, le Festival du Livre de Paris est un événement littéraire annuel majeur organisé à Paris, sans blague. Il réunit éditeurs, auteurs et lecteurs autour de la littérature francophone et internationale. L'édition 2026 poursuit la mission du festival, à savoir rendre la lecture accessible à tous et célébrer la vitalité du livre en France. Car malheureusement, avec Internet, on peut penser que le livre papier pourrait être en danger, mais vu le nombre de lecteurs et le nombre d'auteurs qui sont contre, entre guillemets, le livre papier, je pense quand même que ce moyen de lire a encore de belles années devant lui. Donc si tu es dans le coin pour les vacances, hein, on rappelle que c'est les vacances, même si tu habites à Paris et que tu aimes les livres, va y faire un tour, tu m'en donneras des nouvelles. Après la littérature, on passe à de la musique jazz avec le Golden Jazz Trophy. Alors là, je vais te poser une question, est-ce que tu aimes le jazz ? Si oui, le Golden Jazz est là pour toi. Ça se déroule au théâtre du Casino Barrière de Lille. Tu y découvriras beaucoup d'artistes talentueux tels que Nam, Los Trio, Simon D and the Foxes ou encore Victoria, Alexanian, Quintet. Retour en Angleterre. Pour finir, 505 des Arctic Monkeys, c'est une balade avec deux ailes alternatives nocturnes et passionnées, parfaite pour une fin de balade avec un seul L cette fois-ci. Profite de ce son, détends-toi, on est bien ensemble sur B-Soy. C'est le son qui bouscule les codes, hein, tu le sais. Et on diffuse 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à écouter B-Soy. Et on vous en remercie infiniment. Ce morceau sorti en 2007 des Arctic Monkeys, on rappelle le titre 505, 505, c'est le dernier titre de l'album Favorite Worst Nightmare. Son riff hypnotique et son orgue Hammond donnent une ambiance cinématique. Les fans l'adorent en finale de concert pour sa tension dramatique. Et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bisoy. En ce samedi, tu es peut-être en week-end, donc profite à fond et on commence par les béliers. Fais ce qui te plaît, vraiment. Taureau, mode chill activé. Gémeaux, ça bouge, ça parle, ça vit. Cancer, priorité au bien-être. Lion, tu brilles sans forcer. Vierge, lâche prise un peu. Balance, harmonie totale aujourd'hui. Scorpion, tu ressens tout intensément. Sagittaire, tu as envie d'ailleurs, alors écoute ton cœur. Capricorne, tu prends du recul, enfin. Verseau, une petite surprise sympa en vue, reste attentif. Poisson, suis ton mood, il est bon. Et donc fin du vol folk du samedi, j'espère que tu as passé un bon moment avec le Morning Bisoy. Comme tous les jours, ça a été un réel plaisir de te le proposer, comme chaque jour. Je te retrouve demain, oui, demain, même dimanche, hein, on est là, pour le dernier Morning de la semaine, avant d'enchaîner sur une nouvelle semaine à partir de la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée, un bon samedi, profite de cette journée, kiffe, fais ce qui te plaît, et on se retrouve demain. Allez, salut! Et à demain.